tes caisses, je ramène de niveau. Pourquoi je t'aime et toi tu m'aimes pas? Je comprends pas, je suis ta go ou pas, emmène-moi là-bas. J'irai où tu iras. C'est qui, c'est moi ta go? Bébé, fais attention. Et si c'est toi le problème, c'est moi la solution. Et si c'est moi, c'est pas l'autre. Je vais la prendre, c'est toujours con. Elle fait la belle, mais je suis plus belle. Je suis une sirène, c'est un con. Non, non, non. Mais c'est quoi que t'as pas compris? Non, non, non. Tu veux tout le monde à tout prix. Mais si c'est ça, pas c'est d'ail. Je te dirai go.